Okay. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue l'explication du cours de Cheikh Mohammed, Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre Al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est arrivé aujourd'hui au cours 79. Donc, avec les explications de Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Et donc, dans les cours précédents, on a expliqué la réalité de la croyance en les anges. Et on a établi donc les preuves du Coran et de la Sunna pour mentionner que les anges sont des êtres réels et qui ont une existence réelle. Et non pas comme le disent les philosophes, que c'est quelque chose qui est dans l'imagination des prophètes, ou c'est quelque chose qu'ils ont inventé ou imaginé dans leur esprit et qui est pas quelque chose de concret et réel dans la réalité. Donc on a montré les preuves à ce sujet-là. Maintenant, donc là, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il va établir le fait que les philosophes ils ne croient pas en réalité en la réalité même de la foi et des fondements de la foi en islam. Hein, les philosophes et ceux qui les ont suivis parmi les soufis, ils renient la réalité des fondements et des piliers de la foi. Donc il dit wa ghayatu haqiqati ha'ula inkar usul al-iman bi an yu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir وحقيقة أمرهم جحد الخالق فإنهم جعلوا وجود المخلوق هو وجود الخالق. Donc ici Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il explique que le but en réel ou de la réalité de ces gens-là, c'est-à-dire des philosophes et des soufis qui ont accepté les idéologies des philosophes, leur idée, leur réalité, c'est qu'ils veulent renier les fondements de la foi. Hein? Et c'est-à-dire les piliers de la foi. La foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier. Et en réalité, donc, ils renient l'existence même du Créateur. Puisqu'ils ont fait de l'existence de la créature et du Créateur la même, comme si c'était la même existence. En voulant dire que, pour eux, il n'y a pas de différence entre Créateur et créature, tout ce qui existe est Allah seul. Comme c'est tout ce qui existe pour eux, c'est le Créateur, c'est Allah. La créature et le Créateur sont une seule et même chose, et il n'y a pas de distinction pour eux entre créature et créateur. Tout ce qui existe, c'est Allah. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là. Il dit, Yunkirun arkan al-iman. Al-iman billah, wal-iman bil-malaika, wal-iman bil-rasul. لأنهم يدعون أنهم أفضل من الرسل ومن الأنبياء وأيضا اليوم الآخر لا يؤمنون به يعني يأتي كلامهم فيه يؤولونه على ما يريدون. Donc il renie les piliers de la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les messagers, et ils prétendent qu'ils sont meilleurs même que les messagers et que les prophètes aussi. Et en ce qui concerne le jour dernier, ils n'y croient pas non plus. Et on va en parler de ça plus tard. Donc, ils déforment ou ils interprètent la réalité de la foi en le jour dernier. Et ils renient donc la réalité de ce que ça signifie. Ensuite, ils commentent sur le point suivant, du fait qu'ils renient l'existence du Créateur, en disant « Intaha bihimu al-amr ila al-qawl bi-wahdati al-wujud » بأن الكون ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق بل هو الله كله. يقولون التوحيد هو أن لا تقسم الكون إلى خالق ومخلوق بل تجعل الكون كله هو الله فما عبدت من أي شيء فأنت عبدت الله فالذي يعبدون الأصنام والأوثان والجن والإنس يعبدون الله لأن الله هو الوجود المطلق سبحانه عما يقولون. Donc le cheikh il dit que à la fin ces gens-là sont arrivés jusqu'à prétendre que tout tout ce qui existe, c'est Allah. Et ils croient en l'idéologie de l'unicité de l'existence. En arabe, c'est « Wahdatul Wujud ». Et c'est cette idéologie-là que la plupart des soufis enseignent. Du fait qu'ils disent que tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah. Et qu'il ne doit pas y avoir de différence entre créateur et créature. Pour eux, tout ça, c'est Allah. Hein? Donc, pour eux, le tawhid, ça consiste à ne pas voir de séparation et de différence entre le créateur et les créatures. Hein? Tout ça, pour eux, c'est Allah. C'est Allah. Et donc, si tu adores quoi que ce soit, t'es en réalité, tu es en train d'adorer Allah. Si tu adores, par exemple, les idoles, ben, il faut que tu crois que ces idoles-là sont Allah. Les statues, les arbres, les roches, les pierres, les djinns, les êtres humains, tout ce que tu adores, tu dois croire que Allah c'est cette chose-là aussi. Et donc, tout ça c'est ridicule en réalité, parce que ça voudrait dire que si tu crois que tout ce qui existe est Allah, ça voudrait dire que toi-même t'es Allah. Donc ça voudrait dire que si tu adores Allah, eh ben tu t'adores toi-même. Donc en fait ça fait plus de sens si tu regardes comme il faut la réalité de cette croyance là, elle est absurde. Hein? Donc eux ils disent que Allah c'est l'existence absolue. Hein? Et donc tout ce qui est dans l'univers tout entier, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. C'est son existence, c'est l'existence même du Créateur. Hein? La créature, c'est le Créateur lui-même. Et il est éternel et il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc pour eux, c'est Allah, c'est tout ce qui existe. C'est ça Allah pour eux. C'est tout ce qui existe, sans exception. Donc ça ressemble un peu à la croyance des hindous et des panthéistes, ceux qui disent que tout ce qui existe c'est Dieu, hein? Dieu est tout, tout est Dieu, c'est ça qu'ils disent. Et après il dit le cheikh, وَلِذَلِكَ يُسَمَّوْنَ بِأَهْلِ أَهْلِ وَحْدَةِ الْوُجُودِ لِأَنَّ الْوُجُودَ لَا يَنْقَسِمُ إِلَى رَبٍّ وَمَخْلُوقٍ كُلُّهُ هُوَ الرَّبُّ وَهَذَا هُوَ التَّوْحِيدُ عِنْدَهُمْ والذي يقسم الوجود إلى خالق ومخلوق يقولون هذا مشرك ويسمونه مشركا. Donc le cheikh il explique que donc ces gens-là on les appelle les gens de la croyance en wahdatul wujud. Et donc quand on parle de wujud en arabe ça veut dire l'existence. Et il dit donc ces gens-là ils ne divisent pas ils ne divisent pas les choses en seigneur et créature. Créateur et créature, non, pour eux tout ce qui existe est le Seigneur, tout ce qui existe est le Créateur, et c'est ça pour eux, c'est en ça que consiste pour eux le Tawhid. Ceux qui disent parmi les gens du Tawhid, du vrai Tawhid, le Tawhid des messagers et des prophètes, ceux qui disent comme les prophètes qu'il y a un Créateur et à la créature, pour eux, ils ne sont pas des monothéistes ou des gens qui croient en l'unicité. Pour eux, les gens qui distinguent entre le créateur et la créature sont des dualistes. C'est-à-dire, ils disent qu'ils croient en deux choses, le créateur et la créature. Tandis que pour eux, ceux qui sont réellement sur l'unicité, c'est ceux qui disent que tout ce qui existe, sans exception, eh bien, c'est Allah lui-même. Hein? Et que la créature est le créateur et que le créateur est la créature. Et que si tu distingues entre le créateur et la créature, t'es un mushrik, t'es un idolâtre. Hein? Donc c'est comme s'ils ont, en réalité, ils ont inversé le sens même de la religion. On dit que c'est étonnant, mais par contre, c'est triste, mais c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est réel. Il y a réellement des gens parmi les musulmans dans cette umma qui disent ça. Et cette croyance, elle est répandue chez les soufis, dans les turuq soufia aujourd'hui. Même que, comme certains savants l'ont dit, il n'y a pas une tariqa soufia qui existe aujourd'hui, excepté que dans leur croyance, il y a ce principe-là. Il n'y a pas une tariqa soufia qui existe aujourd'hui, excepté que dans leur croyance, ils ont ce principe-là. Sauf qu'ils ne le disent pas à tout le monde. Vous savez que quand quelqu'un rentre dans la tariqa, il y a des degrés dans la tariqa. Les initiés, ceux qui viennent, les mourides, ils rentrent, et puis le cheikh, il va aller leur apprendre certaines choses. Mais il ne va pas tout leur apprendre des choses, de tous les détails. Puis au fur et à mesure qu'ils vont évoluer ou qu'ils vont avancer dans la tariqa, après ils vont leur dévoiler ou vont leur faire connaître des choses de plus en plus, hein, yani détaillées sur leur croyance, jusqu'à ce qu'ils leur expliquent à la fin que pour eux, tout ce qui existe est Allah. Et c'est ça le but même pour eux, le tawhid, c'est ça. C'est-à-dire que la personne, notre objectif, c'est d'arriver au tawhid. Puis une fois que tu es arrivé au tawhid, après, tu n'as plus d'obligation. Parce que tu es devenu un avec Allah. Hein? Tu as connu Allah, tu n'as plus besoin de recommencer. D'accord? Donc ça, c'est l'explication par rapport à ce point-là. Après, le cheikh, il dit, « وَقَالُوا الْوُجُودُ وَاحِدُ ولم يميزوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع فإن الموجودات تشترك في مسمى الوجود كما تشترك الأناسي في مسمى الإنسان والحيوانات في مسمى الحيوان ولكن هذا المشترك الكلي لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن لا يكون مشتركا كليا إلا في الذهن وإلا فالحيوانية القائمة بهذا الإنسان ليست هي الحيوانية القائمة بالفرس ووجود السماوات ليس هو بعين وجود الإنسان فوجود الخالق جل جلاله ليس هو كوجود مخلوقاته. Donc le cheikh il explique des choses qui sont, comme on dit, élémentaire, comme on dit, qui coule de source, comme on dit en français, mais que malheureusement, certaines personnes, il y en a parmi ces gens-là qui ont été déviés et égarés dans leur compréhension, il y en a ont été détournés de la fitra, de leur fitra, pour arriver à croire à ces croyances-là. Donc eux, ils disent l'existence, elle est unique. Il n'y a qu'une seule existence qui est dans tout. Tout ce qui existe n'est qu'une seule existence et c'est Allah seulement. Et le cheikh, il dit, ils n'ont pas fait de distinction entre celui qui est le fait d'être un par rapport à son individualité et le fait d'être un par rapport à sa catégorie ou à son espèce. Comme par exemple, il dit, les êtres qui existent ont une chose en commun, c'est d'être appelées existantes, c'est-à-dire qu'elles existent. Tout ce qui existe, hein, a en commun, les choses qui existent en commun ont en commun le fait qu'elles ont l'existence. Hein? C'est-à-dire, ce parapluie, il a une existence, ce téléphone, il a une existence, ce miswak, il a une existence, hein, ce livre, il a une existence. Moi j'ai une existence. Toutes ces choses-là ont des choses qui ont une existence. Et qu'est-ce qu'elles ont en commun? C'est qu'elles existent. D'accord? Mais le fait qu'elles ont en commun le fait d'exister, ça ne veut pas dire que leur existence est une, ou qu'elle est la même, hein, ou qu'elle est unique. Il dit par exemple, les êtres humains ont en commun le fait qu'ils s'appellent humains ou hommes. Les animaux ont en commun le fait qu'ils sont des animaux. Mais cette chose qu'ils ont en commun, cette réalité, cette règle générale du fait qu'ils sont ce qu'ils sont et qu'ils ont ça en commun entre eux, c'est uniquement une réalité qui existe dans notre esprit. Hein? Parce que quand on dit on a en commun le fait qu'on existe, on a en commun le fait qu'on est des êtres humains, cette réalité-là, cette entité-là, c'est une chose qu'on a dans notre esprit. Dans la réalité, chacun d'entre nous, on est individuel. Chacun d'entre nous, on est différent. D'accord? Et il dit par exemple, la vie qui existe chez l'être humain n'est pas comparable à la vie qui existe chez l'animal. Hein, la vie d'un être humain et la vie d'un animal, c'est deux vies différentes. De même que l'existence des cieux, c'est pas la même chose que l'existence de l'homme. Et l'existence du Créateur, ce n'est pas la même chose que l'existence de la créature. Et ça, c'est aussi simple que ça. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique. Il dit « Al-Mawjoudat kulluha tashtariku fi musamma al-wujud wa annaha mawjouda wa hadha fi al-dhihn amma fi al-kharij fa innaha tanqasimu ila aqsam khaliq wa makhlouq wa al-makhlouqat tanqasimu ila awalim wa asnaf wa hum yarawna ta'addudan lanqisama » Donc le Cheikh il dit les choses ont en commun qu'elles existent, mais leur existence, le fait qu'ils ont ça en commun, c'est seulement une réalité que tu peux imaginer dans ton esprit. Dans la réalité, toutes ces existences ont des choses différentes, et c'est pour ça qu'elles sont divisées en différentes catégories. Parmi ces catégories là le Créateur, il existe. Et les créatures, elles existent. Et parmi les créatures, il y a des catégories, il y a des mondes différents, il y a des sortes différentes. Eux, ils ne voient aucune différence, aucun nombre, aucune sorte, aucune division. Pour eux, tout ça, c'est une seule chose. Après, le Cheikh Al-Fawzan dit « وَكُلُّ الْأَشْيَاءَ مَوْجُودَ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ لَهُ وُجُودٌ خَاصٌ بِهِ وَالْمَخْلُوقَاتِ لَهَا وُجُودٌ خَاصٌ بِهَا وَإِنْ كَانَتْ كُلُّهَا تَشْتَرِكُ فِي اسْمِ الْوُجُودِ فِي الذِّهْنِ. Hein, donc le Cheikh il dit les choses qui existent, hein, toutes les choses qui existent ont la caractéristique d'exister comme on l'a dit, mais l'existence d'Allah elle est particulière à Allah et l'existence de la créature elle est particulière aux créatures. Et donc le fait de reconnaître que ces choses-là existent, hein, ça c'est une caractéristique commune mais qui n'est que dans les esprits en réalité. Parce que sinon, elle est différente. Si tu nies l'existence spécifique et particulière du Créateur, et que tu dis que l'existence du Créateur et de la créature, c'est la même, ça équivaut à quoi en réalité? Ça équivaut à nier l'existence distincte du Créateur. Donc, ça revient à la même position et à la même parole que les athées. Parce que les athées ne croient pas en l'existence distincte d'Allah. Hein? Et vous avez par exemple chez les bouddhistes, ils disent que il y a l'esprit universel qui existe, mais ils ne reconnaissent pas l'existence d'un créateur, ils ne reconnaissent pas l'existence d'un dieu. Le cheikh il dit ensuite al adamiyun wal bahaim kulluha tashtariku fi ism al wujud kullu minha mawjudun tashtariku fi ism al wujud walakinaha tanqasimu hada faras هذا حمار هذا بعير هذا شاة هذا كلب هذا أسد هذا إنسان هذا ملك هذا جني متفاوتة في وجودها فالكون منقسم إلى أقسام وما عدا الله عز وجل فإنه أجسام مخلوقات في العالم العلوي والسفلي هم يقولون لا يوجد انقسام كله هو الله. Donc le Cheikh il dit, les êtres humains, les animaux, ils ont en commun qu'ils ont le nom d'existence, qu'ils existent. Il dit, et chacun d'entre eux ont une existence. Et ça c'est donc ça fait qu'ils ont en commun le fait qu'ils existent. Et ces existences-là se distinguent. Et il y a des différences de catégories entre les choses qui existent. Ça c'est un cheval, ça c'est un âne, ça c'est... un chameau, ça c'est un mouton, ça c'est un chien, ça c'est un lion, ça c'est un être humain, ça c'est un ange, ça c'est un djinn. Et il y a des degrés différents d'existence. Et l'univers est divisé en différentes sortes, différentes catégories d'existence. Hein? En dehors de, excepté en dehors d'Allah, bien entendu, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est hein, le créateur. Donc tout ce qui existe en dehors d'Allah, parmi les créatures, sont hein, des corps, hein, des choses qui existent, des créatures, soit dans le monde al-ulwi, les astres, les étoiles, l'univers, hein, les choses qui existent dans, la, dans, la, dans, dans l'espace, et yani dans les cieux au-dessus de nous, et as-soufli, c'est-à-dire qu'est-ce qui existe en dessous de nous, ou bien en, en bas dans la, sur la terre, et ainsi de suite. Et donc, eux, les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, ils disent non, non, non, il n'y a pas de différentes catégories. Tout ça, c'est Allah, sans exception. Hein? Allah al-Musta'an. Et vous dites, des fois, vous dites, mais ça ne se peut pas, il n'y a pas des gens qui croient en ça. Jusqu'à ce que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il croit en ça. Et moi, ça m'est, et moi j'ai rencontré des musulmans qui croient en ça. J'ai rencontré des gens qui se disent musulmans et qui croient en ces croyances-là. Et je me rappelle justement un jeune qui était du Niger justement, hein, Ibrahim. Il venait du Niger. Et lui il me disait oui, je vais des fois je vais à l'église, je vais prier là-bas et tout. Puis il me disait que yani pour lui Allah est dans toutes choses, il n'y a pas de différence. Et quand je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que tu dis même que Jésus est dans est-ce que tu dis même que Dieu est dans le port ou dans les toilettes ou dans les endroits qui sont sales? Et là, il me regarde, il a fait un sourire, il n'a pas osé répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas dire ça. Hein? Mais il le croit. Parce que c'est ça leur croyance. Pour eux, le fait que ce soit un endroit sale ou un endroit propre ou un animal pur ou impur, pour eux, c'est égal. Parce que tout est Allah. Il n'y a pas de différence pour eux. Allah al-Musta'an. Oui, il y a un frère qui m'avait raconté une histoire une fois que il y a un soufi qui avait dit ça à ses fidèles que tout est Allah, des choses comme ça. Puis le mourid ou le jeune qui est rentré voir ce cheikh là, il lui a dit hier il y a un voleur qui est rentré et qui a volé yani quelque chose ou je sais pas quoi. Alors le mourid il lui a répondu et le cheikh il a dit ah oui il a volé, le mourid il a dit et qui a volé qui, en voulant dire si Allah c'est tout, alors ce voleur c'est Allah, il est venu voler il est venu voler l'autre. Donc pour dire yani pour eux tout, si tout est Allah, donc ça veut dire il n'y a plus de différence yani entre les gens, tout ce que les gens font c'est Allah qui le fait. Et il n'y a plus de différence entre la créature et le créateur et la créature. C'est pire, même les ulama, ils ont dit que c'est pire que la Trinité. Si les chrétiens, Allah il a dit qu'ils sont des koufars parce qu'ils ont dit que al-Masih, Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-Masih. Donc celui qui dit yani, que toute la création c'est Allah, c'est encore pire que celui qui dit que al-Masih c'est Allah. Hein? Allah al-Musta'an. Et après le Cheikh Ibn Taymiyyah dit wa haqiqatu qawlihim qawlu fir'aun alladhi 'attala as-sani' fa innahu lam yakun munkiran hadha al-wujud al-mashhud walakin za'ama annahu mawjudun bi nafsihi la sani' lahu wa ha'ula wafaquhu fi dhalik walakin za'amu bi annahu huwa Allah fa kanu adallu minhu. Donc le Cheikh dit la réalité de la parole de ces gens-là, c'est la même que celle de Pharaon. Parce que Pharaon, il ne croyait pas en l'existence d'un créateur. Hein? C'est un athée. Hein? Et il dit, il ne reniait pas l'existence de ce monde qui existe, qu'on voit. Hein? Le monde actuel qu'on voit avec nos yeux, il ne le renie pas. Mais il prétendait que cette existence est apparue par elle-même. Que le monde dans lequel on vit est apparu par lui-même. Et qu'il n'a pas de créateur. C'est ça la croyance des koufars. Ils croient que le monde, il est apparu de lui-même, personne ne l'a créé. Et qu'il est éternel. Il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Donc le cheikh, il dit, ces gens-là, en réalité, ceux qui croient en Wahdatul Wujud, ils sont d'accord avec Pharaon. ils ont la même croyance que lui. La seule différence, c'est qu'au lieu de dire que le monde s'est créé par lui-même, ils disent que tout le monde au complet, tout ce qui existe dans l'univers, c'est Allah. Hein? Alors, ils sont encore plus égarés que Pharaon. Ils sont encore plus égarés que Pharaon. Et ça, c'est grave. Donc, le Cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, « Haqiqatu qawlihim, laysa hunaka rab, annahu laysa hunaka rab, mithlu qawli Pharaon, ana rabbukum al-a'la, ma alimtu lakum min ilahin ghayri, hadha madhhabu al-falasifa tamaman, جحود الخالق سبحانه وتعالى لكن يقولون فرعون صار مشركا لأنه أقسم وقال أنا ربكم الأعلى مع أن كل الموجود هو الرب فهو أنكر عليه موسى عليه السلام هذا التقسيم بزعمهم انظروا كيف يجعلون موسى عليه السلام من أهل وحدة الوجود أنكر عليه هذا التقسيم لو أنه قال الوجود كله واحد لصار موحدا ولما أنكر عليه وهذا قول ابن عربي وقول أتباعه من فلاسفة الصوفيين مثل ابن الفارض والعفيف التلمساني وغيرهم هذا قولهم وحدة الوجود وعطل يعني جحد الله الصانع يعني عطل الخالق زعموا أن الكون كله هو الله فصاروا أضل من فرعون لأن فرعون ما ادعى أن الكون كله هو الله بل قال أنا ربكم الأعلى فميز نفسه عنهم وهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق وبين رب وعبد ما يميزون بين هذا وهذا الله المستعان. Donc quand que c'est ça, je pense que un d'entre eux il disait, un tel il a désobéi à Allah. Et l'autre il a répondu, qui a désobéi à qui? C'est ça. Parce que eux ils croient que le créateur c'est la créature. Allah al-Musta'an. Donc il dit le Cheikh, la réalité de leur parole et de leur croyance à ces gens-là, c'est qu'il n'y a pas de créateur, il n'y a pas de seigneur, il n'y a pas de Seigneur qui a créé l'univers. Et c'est ça la parole de Pharaon. Lorsqu'il dit « Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut. » dans Nazirat, verset 24. Ou bien le verset 38 dans Surat Al-Qasas. « Je ne connais pour vous aucune autre divinité que moi. » Ça c'est Pharaon qui dit ça à eux, à son peuple. Il dit c'est exactement la parole des philosophes et la position des philosophes. De renier le Créateur, subhanahu wa ta'ala. Sauf que ces gens-là, parmi les gens qui croient en Wahdatul Wujud, ils disent Pharaon est devenu mushrik quand il a dit Ana Rabbukum al-A'la. Pourquoi? Parce qu'il s'est distingué des autres. S'il avait dit toute la création, c'est une seule existence, il aurait été croyant. Il aurait été muwahid. Sauf qu'il s'est distingué de la création, puis il a dit je suis votre Seigneur le Très-Haut. Donc pour eux, à cause de ça, il était mushrik et ils prétendent que Moussa alayhi salam lui a réfuté le fait de faire une distinction entre lui et les créations, la création. Alors que Pharaon, c'est pas ça qu'il lui a reproché ou Moussa alayhi salam, il a pas reproché à Pharaon de faire une distinction entre lui et la création. Ou entre le créateur et la créature. Il lui a reproché, de refuser et de renier son créateur, et de refuser de l'adorer et de lui obéir. Donc ça, c'est la croyance de qui? C'est la croyance des soufis comme Ibn Arabi, Muhammad ibn Ali, Ibn Muhammad, Ibn Arabi, Al-Ta'i, Al-Andalusi, Al-Ma'ruf, Bimuhyiddin, Ibn Arabi, Donc lui, il s'est promené dans plusieurs pays à son époque, et puis il a propagé ses croyances. Il est mort à Damas, en Syrie. Donc ça, c'était sa croyance dans ses livres. Et il y en a d'autres aussi qui l'ont suivi dans cette croyance-là parmi les philosophes soufis, comme Ibn al-Farid. Ibn al-Farid, c'est un autre hérétique comme ça. Son nom c'est Abu Hafs Omar ibn Ali ibn al-Murshid ibn Ali al-Ma'ruf bi ibn al-Farid al-Hamawi al-Asl. Donc il est d'origine de Hama en Syrie. Et il est né en Égypte. Donc il a vécu là-bas et il est mort là-bas en Égypte. Donc c'est ça. كان أبوه يكتب فروض النساء والرجال وقد تكلم فيه غير واحد بسبب قصيدته التائية في السلوك على طريقة المتصوفة. Donc son père il faisait les diffusions des héritages pour les hommes et les femmes, donc c'est pour ça qu'on l'appelait Ibn al-Farid, parce que son père était quelqu'un qui écrivait les héritages. Donc c'est pour dire, et il y en a un autre aussi qui s'appelait Sulayman. Hein, Sulayman ibn Ali ibn Abdullah ibn Ali al-Tilmisani. On l'appelle al-Afif al-Tilmisani. Et c'était un poète. Et donc il avait cette croyance aussi de Wahdatul Wujud. Et beaucoup de ces soufis-là, ils exprimaient leur croyance en Wahdatul Wujud dans des poésies. Hein? Donc, si tu les critiques ou si tu les réfutes ou si tu leur dis mais qu'est-ce que tu dis là, ils disent ah mais ça c'est un langage poétique, hein, c'est pas la réalité. Sauf qu'ils croient réellement en qu'est-ce qu'ils ont écrit, tu vois. Allah al-musta'an. Et donc donc quand il dit attala, yani jahada, ils ont renié Allah subhanahu wa ta'ala. As-sani', au lieu de dire al-khaliq, ils disent as-sani', hein, celui qui a créé, yani. Ça, c'est le langage des philosophes. Au lieu de dire Al-Khaliq, ils disent As-Sani'. Hein? Ouais, non, mais ils ne veulent pas employer les termes de la révélation, alors ils utilisent des termes plus philosophiques, yani, comme selon leur façon de parler. C'est comme aujourd'hui, tu vois des gens, ils disent nous, on croit en la science, nous, on est des scientifiques. Nous, on croit pas en des superstitions ou la religion ou des choses comme ça. Si tu leur dis qui a créé le monde, ils disent mais c'est Dame Nature, c'est la nature. Hein? Tu lui dis ok, décris-moi la nature. C'est quoi les attributs de la nature? Qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, la nature? En réalité, il veut dire Dieu, mais il veut dire Allah, mais il veut pas dire Allah parce qu'il est orgueilleux, alors il dit nature à la place. Mais si tu lui demandes d'écrire la nature, il peut pas décrire la nature parce que la nature, c'est quelque chose d'abstrait qui n'existe pas réellement. Hein? Tu lui dis, c'est quoi les... Est-ce que cette nature, elle a la science? Est-ce que cette nature, elle a la volonté? Est-ce que cette nature, elle a la vue? Elle a l'ouïe? Hein? Est-ce qu'elle parle? Hein? Est-ce que la nature, elle a la toute puissance? Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. La conscience, t'as dit? Non, mais ça, c'est pas les attributs d'Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Donc, est-ce que cette nature-là, elle possède les caractéristiques et les attributs d'Allah? Est-ce qu'elle possède les noms d'Allah? Non. La nature, elle est aveugle, sourde et muette. Elle peut rien faire. Hein? Mais quand tu regardes l'univers et comment l'univers est créé, qu'est-ce que tu constates? Bien, tu constates qu'il y a un ordre, il y a une organisation, que les choses sont bien créées, que les choses sont bien ordonnées. Ça indique qu'il y a derrière ça de la sagesse, qu'il y a derrière ça de la science, qu'il y a derrière ça, hein, une volonté. Donc ça ne peut pas être la nature, comme eux ils disent. Hein? Donc c'est l'orgueil et l'arrogance. Et c'est comme Pharaon, quand il disait « Ana rabbukum al-a'la, je suis votre Seigneur le Très-Haut », il sait très bien qu'il est une créature comme les autres. Hein? Donc la différence entre ces gens qui croyaient en Wahdatul Wujud et Pharaon, la seule différence entre les deux, c'est qu'au lieu de dire, hein, que le monde existait par lui-même, ils disent, yani, tout ce monde-là, en réalité, c'est Allah lui-même. Hein? Donc, ils sont plus égarés que Pharaon. Parce que Pharaon, il n'a pas prétendu que l'univers entier, tout ça, c'était Allah. Hein? Donc, il dit, bal, qal, plutôt il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Donc, il s'est distingué lui-même de, du monde. Tandis que eux, ils ne distinguent pas entre le Créateur et la créature, entre le Seigneur et l'esclave. Hein? Ils ne font pas de distinction entre ça et ça. Après, le Cheikh, il explique. Il dit, wa in kana qawluhu hadha huwa adhharu fasadan minhum, wa lihadha ja'alu عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله وقالوا لما كان فرعون في منصب التحكم صاحب السيف وإن جار في العرف الناموسي كذلك قال أنا ربكم الأعلى أي وإن كان الكل أربابا بالنسبة ما فأنا الأعلى فأنا الأعلى منكم بما أعطيته في الظاهر من الحكم فيكم قالوا ولما علمت السحرة صدق فرعون فيما قاله أقروا له بذلك وقالوا فاقض ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. Donc je vais lire l'explication point par point. On va lire la traduction de cette parole-là. Cheikh Al-Fawzan, il dit: هذا نتيجة قول وحدة الوجود أن كل من عبد شيئا فإنما عبد الله. Donc c'est ça qu'il dit ici, le Cheikh. Il dit la parole de leur la corruption de leur position et de leur parole, elle est claire. Hein? La corruption de la parole de ces gens-là, elle est plus claire encore. Il dit, et donc ils disent que ceux qui adorent les idoles, ils n'adorent en réalité que Allah. C'est ça le résultat de la parole de ceux qui croient en Wahdatul Wujud. Toute personne qui adore quelque chose, pour eux, c'est un adorateur d'Allah. Pourquoi? Parce que pour eux, tout ce qui existe est Allah. فَالْإِنسَانُ وَالْحَيَوَانُ وَالصَّنَمُ وَالْحَجَرُ وَالشَّجَرُ هُوَ اللَّهُ بِزَعْمِهِمْ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ. Donc si quelqu'un adore quelque chose, pour eux, c'est Allah qui l'adore. Hein? Qu'Allah yani, soit exalté et purifié de ce qu'ils disent. Après il dit, وَقَالُوا لَمَّا كَانَ فِرْعَوْنُ فِي مَنْصِبِ التَّحَكُّمِ. Donc Cheikh Al-Fawzan il dit, هُوَ أَخْطَأَ عِندَمَا هو أخطأ عندهم من هذه الناحية أنه قال أنا ربكم الأعلى مع أن الكون كله هو الرب ما يختص بفرعون ولكن لما غلب وصار عنده قوة وأعجب بنفسه ادعى لنفسه أنه هو الرب. Donc eux, les gens de Wahdatul Wujud, ils ont dit à propos de Pharaon, il a eu tort. Il a eu tort de dire que c'est lui le Seigneur le Très-Haut. Pourquoi? Parce que le Seigneur le Très-Haut, c'est l'univers tout entier. Et non pas seulement lui. Donc, yani, c'est pas spécifique à Pharaon. Mais étant donné qu'il avait eu le dessus, et qu'il avait du pouvoir sur terre, il a été ébloui par sa personne, et il a prétendu, hein, lui-même être le Seigneur. Puis ensuite, il dit, انظر تحريف القرآن. Eux, ils déforment le Coran de cette façon, en l'interprétant de cette manière. Ils disent, السحرة تابوا إلى الله وخروا سجدا لما ظهرت لهم معجزة موسى عليه السلام وبرهان موسى عليه السلام وصدقه. يعني تابوا إلى الله وألقى ويعني ألقى السحرة ساجدين. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون لما هددهم فرعون بالقتل والصلب قالوا فقدي ما أنت قاد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أنا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر فالله خير وأبقى والله خير وأبقى أنت تقتلنا في هذه الحياة الدنيا وتصلبنا لكن مآلنا إلى الله يعني وقال تعالى وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذا الكلام منهم أنهم مؤمنون بالله عز وجل وبما قاله موسى وهارون، ولكن الفلاسفة يقولون لا، هم لما عرفوا أن فرعون صادق قالوا فاقض ما أنت قاد، يعني عرفوا أنه صادق ففوضوا إليه الأمر وقالوا فاقض ما أنت قاد. هذا تحريف لكلام الله عز وجل، كأنهم رضوا عن فرعون وعرفوا أنه صادق فقالوا فقد ما أنت قاد إنك لأنك أنت الرب. الله المستعان. Donc le Cheikh Al Fawzan il explique la façon dont les soufis ont déformé le sens du verset dans le Coran. Quand Pharaon a dit je suis votre Seigneur le Très Haut, eux ils ont dit, les soufis, les sorciers que Pharaon avait engagé pour opposer Pharaon, pour opposer Moussa, les sorciers qu'il avait engagés pour opposer Moussa alayhi salam, quand Pharaon a dit je suis votre Seigneur le Très Haut, eux ils ont dit, ils ont été d'accord avec lui, ils ont su la véracité de ce que Pharaon avait dit et ils ont été d'accord avec ça et ils ont dit faqdi ma antaqad, je décrète ce que tu veux, décrète ce que tu veux décréter, tu ne juges que dans cette vie d'ici-bas. Donc, eux, pour eux, ils pensent que ça, c'est une approbation de la part des sorciers de la parole de Pharaon. Alors, Cheikh Al-Fawzan, il dit, regardez comment ces gens-là déforment le Coran. Les sorciers se sont repentis à Allah et ils ont reconnu leur erreur et que Pharaon est dans l'égarement. Et ils ont reconnu le miracle de Moussa, alayhi salam, et la parole de Moussa et de Haroun, ils ont cru en ça. Et ils se sont repentis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont jetés prosternés devant Allah subhanahu wa ta'ala en reconnaissance de la foi que de ce que Moussa a ramené. Et ils ont dit Rabbuna amanna bi rabbil alamin, nous croyons au Seigneur des mondes. Rabbi Moussa wa Haroun, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Et lorsque Pharaon les a menacés qu'il allait les tuer et les crucifier, c'est là, à ce moment-là, qu'ils leur ont dit, qu'ils lui ont dit, juge, décrète ce que tu veux décréter. Tu ne juges que dans cette vie d'ici-bas. En voulant dire, si tu veux nous tuer, tu veux nous menacer, c'est pas ça qui va nous faire abandonner la foi. Parce que toi, tu juges seulement dans cette vie d'ici-bas, mais l'au-delà, c'est Allah. Nous, ils ont dit, nous croyons en notre Seigneur pour qu'il nous pardonne nos péchés et ce que tu nous as forcé de faire comme sorcellerie. Et Allah est meilleur et plus durable. Donc, le cheikh, il explique, il dit, c'est-à-dire que les sorciers ont dit, si tu nous tues dans cette vie d'ici-bas et que tu nous crucifies, mais ça nous dérange pas parce que notre destination et notre retour, il est à Allah, le Seigneur des mondes. Wa inna ila rabbina la munqalibun. Et nous, c'est vers notre Seigneur que nous allons retourner. Donc le Cheikh, il dit, cette parole de leur part, c'est la preuve qu'ils ont cru en Allah et qu'ils ont cru en ce que Moussa et Haroun, alayhim as-salam, ont dit. Et donc, ce que les soufis, parmi les philosophes soufis, ont dit, c'est le contraire. Eux, ils ont dit, non, les sorciers ont dit ça à Pharaon parce qu'ils croient que Pharaon est véridique. Et ils lui ont dit, donc juge, décrète ce que tu veux décréter. En voulant dire, ils ont cru qu'il était véridique. Et ils lui ont remis le commandement et l'ordre. Donc, Cheikh, il dit, eux, ils ont dit ça, non pas parce qu'ils croyaient que Pharaon disait la vérité, mais plutôt parce qu'ils ont cru en Allah et ils lui disaient, Yanni, tu fais ce que tu veux dans cette vie, mais dans l'au-delà, c'est Allah le juge. Qalou, donc Ibn Taymiyyah dit ensuite, Qalou, fa sahha qawlu Pharaon, ana rabbukum ul'ala, wa kana Pharaon, ayn al-haq. Qalou, fa sahha qawlu Pharaon, ana rabbukum ul'ala, وكان فرعون عين الحق أعوذ بالله. ثم أنكروا حقيقة اليوم الآخر فجعلوا أهل النار يتنعمون كما يتنعم أهل الجنة أعوذ بالله. Donc eux ils ont dit la parole de Pharaon était vraie quand il a dit je suis votre Seigneur le Très Haut. Et il dit et Pharaon était Dieu lui-même réellement, hein, il était la vérité lui-même. A'udhu billah. Puis ensuite il dit le Cheikh, ils ont renié la réalité du jour de la résurrection et ont fait des gens de l'enfer comme s'ils étaient dans des délices comparable aux délices des gens du paradis. Allah al-musta'an. Donc, Cheikh al-Fawzan il explique, il dit وَلَمَّا قَالُوا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادْ مَعْنَاهُ أَنَّهُمْ صَدَقُوا أَنَّهُمْ أَنَّهُ هُوَ رَبُّهُمُ الْأَعْلَى. يعني تعالى الله عما يقولون. انتهى كلامهم في الرب. انتهى كلامهم في الرب. Donc Allah al-musta'an. Et après il dit al-shaykh yuridu an yubayyin kufrahum bi arkan al-iman al-iman billah intaha minhu wa annahum yarawna anna Allah huwa al-kawn kulluh wa kadhalika ankaru haqiqat al-yawm al-akhir wa qalu faqalu inna al-yawm al-akhir 'ibaratun an ahwal tataghayyar faqat ما عندهم أن اليوم الآخر فيه بعث للناس من القبور وجزاء وحساب وجنة ونار ما عندهم هذا. يعني سبحان الله. Il dit donc ici il a fini de parler de leur croyance à propos d'Allah. Hein? Maintenant il dit le Cheikh il voulait mentionner leur mécréance par rapport au pilier de la foi. Et donc il a fini maintenant avec l'exemple au sujet de la foi en Allah. Pour montrer qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils croient que Allah c'est toutes les créatures en entier, que tout ce qui existe est Allah. Et il dit de même qu'ils ne croient pas en la réalité du jour de la résurrection. Parce qu'ils ont dit que le jour de la résurrection, ou le jour dernier, c'est uniquement un état, hein, qui change seulement. Il y en a parmi eux même qui disent que l'enfer c'est dans l'esprit. C'est quelque chose qui est dans la tête, hein? Non, c'est une étape psychologique ou des choses comme ça. Allahul Musta'an. Donc eux, ils disent, ils ne croient pas que la résurrection, que les hommes vont sortir de leur tombe, qu'il y aura une récompense, un jugement, un paradis, un enfer. Ça, ils ne croient pas en ça. Allahul Musta'an. فجعلوا أهل النار يتنعمون. Donc le Cheikh dit, جعلوا أهل النار يتنعمون بالنار لا تؤلمهم. يتنعمون بها كما يتنعم أهل الجنة بالنعيم عندهم. Donc il dit eux pour eux il n'y a pas de châtiment dans l'enfer, c'est seulement des délices, c'est des plaisirs qu'ils vont ressentir dans le feu. Ils vont pas souffrir, il n'y aura pas de douleur. Non, ils se prétendent musulmans mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Allah musta'an. Ils ont pris ça dans la philosophie, pas dans le Coran, pas dans la Sunna. Ils n'ont rien à voir avec l'islam pour de vrai. Allah al-musta'an. Après, le Cheikh il dit Fasaru kafirina billahi wal yawm al-akhir wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ma'a da'wahum annahum khulasatu khasatil khassa min ahli wilayatillah wa annahum afdalu min al-anbiya wa anna al-anbiya innama ya'rifuna Allah من مشكاتهم. يعني الأنبياء إنما يعرفون الله من مشكاتهم هم. Donc il dit eux ils sont devenus donc des mécréants qui croient pas en Allah et au jour dernier ni en ses anges ni en ses livres ni en ses messagers, alors qu'ils prétendent qu'ils sont la crème de la crème de la crème des gens de la foi et de la proximité avec Allah. خلاصة خاصة الخاصة. يعني سبحان الله. Et qu'ils sont meilleurs que les prophètes et que les prophètes n'ont uniquement connu Allah à travers leur c'est comme si c'est par leur lumière à eux que les prophètes ont connu Allah. Et le Cheikh il explique, il dit wa hadhihi haqiqatu al-falasifa annahum kafirun billah kafirun bil malaika wa annahum yaquluna la yujad malaika wa la yujad rabb الكون كله هو الله وليس هناك رب مستقل، وهم كافرون باليوم الآخر لأنهم يقولون ليس هناك جنة ولا نار، كلهم سواء في النعيم، أهل النار يتنعمون وليس هناك عذاب، ويدعون لأنفسهم أنهم أكمل الناس إيمانا وعقولا وأنهم انتهى بهم الأمر إلى التوحيد وهذه الوحدة. فالذي لا يقول بوحدة الوجود مشرك، والذي يقول بوحدة الوجود هذا هو الموحد عندهم. يعني ومن مشكاتهم، يعني هم الذين يدلون الأنبياء لأنهم أعرف من الأنبياء. Donc le cheikh il résume encore qu'est-ce que Ibn Taymiyyah a dit, et il répète la même chose en fait, mais en des mots plus, en des termes plus détaillés, plus simples. Et donc ça c'est la même croyance que ceux qu'on appelle les Batiniyoun. Les Batiniyoun, les gens de les Druzes, les Nusayriya, les Ismailiya, hein. Et donc parmi les soufis, il y a ceux qui ont justement la même croyance que ces gens-là. Et leur base, leur référence, c'est la philosophie à la base. Hein, c'est des groupes hérétiques. Et le cheikh dit ensuite, وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ بَسْطِ الْحَادِ هَؤُلَا وَلَكِنْ لَمَّا كَانَ الْكَلَامُ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّيْطَانِ وكان هؤلاء من أعظم الناس ادعاءً لولاية الله وهم من أعظم الناس ولاية للشيطان تنبهنا على ذلك ولهذا عامة كلامهم إنما هو في الحالات الشيطانية. Donc le cheikh il dit le sujet dont on veut parler dans ce livre, yani c'est pas le lieu pour rentrer plus en profondeur dans les détails de leur mécréance et de leur déviation à ces gens-là. Mais étant donné que le sujet du livre, c'est de parler des awliya d'Allah et de clarifier qui ils sont et de distinguer entre les awliya d'Allah, awliya ar-Rahman, ceux qui sont les serviteurs rapprochés d'Ar-Rahman et les serviteurs rapprochés du shaytan, hein, et que ceux parmi les hommes qui prétendent être les plus grands parmi les awliya d'Allah, ce sont eux, hein, c'est Sophia, alors qu'ils sont ceux qui sont les plus rapprochés parmi les hommes du shaitan, alors nous avons fait, hein, une mention de certains de leurs égarements pour faire comprendre aux gens la réalité à ce sujet-là. Et il dit sinon, le sens général de leurs paroles, on voit que de ça, ça vient uniquement des états diaboliques que le shaitan leur inspire. Et le cheikh Al-Fawzan, il commente sur ces passages-là, il dit, Rahimahullah, en parlant de qu'est-ce que Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, il dit, Rahimahullah, لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ فِي بَيَانِ الْفُرْقَانِ بَيْنَ أَوْلِيَاءَ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ وَأَنَّ هَؤُلَاءَ يَدَّعُونَ أَنَّهُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَأَخَصُّ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ بين رحمه الله أنهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الله أو أولياء لله فأكذبهم ودحض أقوالهم وشبههم. Donc il dit, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il a voulu écrire ce livre sur la distinction entre les alliés d'Allah et les rapprochés d'Allah et les rapprochés du shaitan, et que ces gens-là prétendent être les awliya d'Allah, et qu'ils prétendent non seulement être les awliya d'Allah, mais les plus particuliers, les plus proches parmi les alliés d'Allah et les rapprochés d'Allah, il a voulu donc clarifier et expliquer qu'ils sont en réalité les alliés du shaitan et les rapprochés du shaitan, et non pas les rapprochés d'Allah. Donc il les a démentis, il a montré leurs mensonges et il a détruit leurs propos et leurs semblants de preuves. Il dit, لا بد من بيان ضلالهم لأنه موجود ضلالهم موجود وكتبهم موجودة هذا موجود في كتب ابن عربي التي يسميها الفتوحات المكية وفي فصوص الحكم هي تتبع الآن وتحقق وتنشر في الناس وتباع في المعارض على أن ابن عربي هو في أرقى درجات العلم والإدراك فيخشى أن هذا يلتبس على الجهال ولهذا الشيخ رحمه الله وضع هذا الأمر وبينه. Donc Ibn Taymiyyah, Cheikh Al-Fawzan, il explique que Ibn Taymiyyah a voulu clarifier leurs égarements. Il a voulu expliquer que ces croyances-là d'égarement sont présentes, elles existent. Hein? Leur égarement existe, leur livre existe. Actuellement, le livre d'Ibn Arabi, ils existent dans les librairies, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans. Même que dans les pays non musulmans, les koufars, ils propagent même ces idées-là et ces croyances-là. Ils font exprès même. Hein? Ils font même dans leurs universités des études sur ces livres-là. Les livres d'Ibn Arabi, comme le livre Al-Futuhat al-Makkiya et Fusus al-Hikam, c'est des livres qui sont publiés. Et comme je vous avais dit la dernière fois, quand je suis allé à Paris, pas loin de la mosquée de Paris, il y a une petite librairie juste pas loin, de quelques rues à côté. Et dans cette librairie, tu trouves tous les livres de toutes les turqs soufis là-bas. Hein? Toutes les égarements, les livres d'Ibn Arabi, ils les ont eux autres. Et ils les vendent. Comment quelqu'un qui est musulman peut vendre des livres qui enseignent des croyances de kufr et de shirk comme ça? Est-ce qu'il n'a pas peur qu'au jour de la résurrection, Allah lui demande des comptes, hein, pour vendre ça? Peut-être s'il vendait du porc et de l'alcool, ce serait moins grave que de vendre ce genre de livre dans lequel les croyances sont des croyances de kufr et de shirk. Hein? Et que les gens qui vont prendre ces livres-là et qui vont être égarés à cause de ces livres, hein, peut-être que s'ils avaient acheté du porc ou acheté de l'alcool, ils ne seraient pas égarés à ce point-là. Parce que manger du porc et boire de l'alcool, c'est des kaba'ir parmi les kaba'ir. Mais de lire des livres de kufr et de propager le kufr, c'est beaucoup plus dangereux parce que ça touche les croyances, ça touche le dogme, ça touche les fondements de la religion. Hein? Et si quelqu'un accepte ces fausses croyances-là, il meurt kafir, il va en enfer pour l'éternité. Tandis que s'il a commis le péché de manger de la viande qui est interdite ou de boire quelque chose qui est interdit et qu'il reconnaît son interdiction, hein, il sera sous la mashia. Si Allah veut lui faire miséricorde, il va lui pardonner. Et s'il veut le purifier, il va le punir pour un certain temps. Hein? Mais c'est pas l'enfer éternel. Donc ça, c'est important de tenir compte de ça. Et le cheikh, donc, il explique, il dit il y a des expositions de livres qui ont lieu, par exemple, dans différents pays et dans différentes villes, dans les pays musulmans. Et dans ces expositions de livres, il y a des livres de toutes les différentes maktabat, différentes librairies et différentes éditions qui sont présentées pour la vente. C'est comme des expositions de livres. Même il y a ici au Québec, ils font le salon du livre chaque année. Bon, ça c'est des expositions de livres. Dans les pays musulmans, ils font ça aussi. Hein? Mais parfois dans certaines de ces expositions là, il y a des livres dans lesquels il y a des égarements et des croyances de kufr, et eux ils propagent leurs croyances par ces livres là. Le cheikh il dit: "Wa yaquluna ma qalahu sahib al-futuhat bab ard al-haq" باب أرض الحقيقة يقولون هي أرض الخيال فتعرف بأن الحقيقة التي يتكلم فيها هي خيال لا محل تصرف الشيطان فإن الشيطان يخيل للإنسان الأمور بخلاف ما هي عليه قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. Hein? Donc le cheikh il explique qu'eux ils disent à propos de ce que l'auteur du livre Al-Futuhat, c'est-à-dire Ibn Arabi, hein, il dit صاحب الفتوحات المكية هو ابن عربي ليس ابن العربي بالالف واللام هذا هو من علماء التوحيد المالكي ابن العربي له مؤلفات مفيدة وجيدة. أما ابن عربي بدون ألف لام فهذا هو الملحد، ابن عربي الطائي، هذا يقال له ابن العربي المالكي. يعني كل الخيالات عندهم ليس لها حقائق ولا ثبوت، وإنما هي ضلالات وكفريات، ويدعي أنها أكمل درجات العلم والإدراك. Donc eux, ils disent à propos de ce qu'ils ont écrit, comme Ibn Arabi dit à propos de ce qu'il dit dans ses livres, que c'est des illusions ou des choses imaginaires et que ce n'est pas des choses réelles. Donc il dit, il faut que tu saches que les choses qu'il a mentionnées, la réalité c'est que les choses qu'il a mentionnées sont des choses imaginaires et des choses qui ont été, disons, inspirés par le shaitan. Donc le shaitan, il vient et il fait imaginer à l'être humain des choses qui sont contraires à la réalité. C'est le shaitan qui inspire aux gens les paroles d'égarement. Et il cite les versets de 36 à 39 dans Sourate Az-Zukhruf, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement que quand un homme se détourne du Coran, de la sunna, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala lui donne comme compagnon un shaitan qui devient son compagnon. Donc ça c'est les versets, comme on a dit, 36. Ouais, donc, je t'ai rendu dans Sourate Az-Zukhruf et puis là je suis rendu dans Ash-Shura. Donc c'est ça le verset 36: et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel d'Ar-Rahman, tout miséricordieux, nous lui désignons un shaitan, nous qayyid lahu shaitanan, qui devient son compagnon inséparable. Fahuwa lahu qarin, devient son compagnon inséparable. Wa innahum la yasuddunahum an as-sabil, il le détourne, ces diables ils les détournent du droit chemin. يعني وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Tandis que ceux-ci s'estiment être bien guidés, parce qu'ils ont été aveuglés et détournés par le shaitan. Donc ils sont détournés du droit chemin par le shaitan, mais ils s'imaginent malgré tout être bien guidés. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Et lorsque cet homme vient à nous, il dira à son démon, hélas, qu'il n'y a-t-il entre toi et moi la distance des deux, de l'Est et de l'Ouest, de l'Orient et de l'Occident. Quel mauvais compagnon tu es. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Et il ne vous profitera point ce jour-là, du moment que vous avez été injuste, que vous soyez associés dans le châtiment. Je ne vous ai pas raconté l'histoire par rapport à ce verset. Une fois, je lisais ce verset-là, j'étais dans l'autobus sur Henri Bourassa, la 69, je m'en allais jusqu'à la Cordère, et je réfléchissais, puis je vois un kafir qui se lève avec... un chandail, vous savez, une sorte de musique qui s'appelle heavy metal, c'est comme des choses de musique de rock là, mais diabolique, il y a toutes sortes de messages diaboliques là-dedans, et eux ils aiment toujours célébrer le shaitan, puis glorifier le shaitan, puis sur leur chandail il y a toujours des messages diaboliques, sataniques, et sur son chandail en arrière c'était écrit: nous allons en enfer pour nous rassembler. Et quand j'ai lu ça, ça m'a rappelé le verset: وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. C'est-à-dire, ce jour-là, ça ne vous profitera en rien du fait que vous avez été injuste, que vous soyez réunis dans le châtiment. Ça ne va rien vous servir. Parce que eux, ils pensent que peut-être s'ils sont nombreux dans l'enfer, ils sont capables de prendre le contrôle d'attraper les gardiens de l'enfer, puis de s'enfuir ou des choses comme ça. Ils réalisent pas que c'est des anges. Oui, exactement, quand les mushrikins ont entendu yani, Allah subhanahu wa ta'ala quand il a dit alayha tis'ata ashar, hein, il y a 19 anges qui le gardent, qui sont gardiens de l'enfer, et eux ils ont dit ben, si ils sont juste 19 c'est facile, on peut les, hein, on peut les attraper puis les s'enfuir. Et yani, c'est parce qu'ils ont sous-estimé la réalité de la gravité des choses, hein, ils ne réalisent pas. Allahu al-musta'an. Donc le cheikh il dit ensuite wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Haula yani hum awliya ash-shaytan. Hum awliya, hein? Hum awliya ash-shaytan li'annahum a'radu 'an dhikr ar-rahman. Fatawallahum ash-shaytan wa dakhala bihim, hein, fi hadhihi al-mahama al-muhlika wad-dhalalat wadh-dhulumat wal-'iyadh billah. Donc il leur obstrue le chemin, il les détourne du sentier et ils leur font croire qu'ils sont bien guidés. Donc ça c'est les alliés du shaitan, hein? Ils se sont détournés du rappel d'Allah, hein? Du rappel d'Allah, et ils ont pris le shaitan comme allié, et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans ces égarements et dans ces ténèbres. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي يَعْمَى بَصَرُهُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. C'est-à-dire, sa vue, elle devient aveugle par rapport au rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Lam yanzur fi, il ne le lit pas, il regarde pas la guidance qui vient d'Allah. Nuqayyid lahu shaytanan fahuwa lahu qarin, uqubatan lahu. Faman a'rada anillah wa an Muhammad, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tawallahu shaytan. نقيد له شيطانا عقوبة فهو له قرين لا يفارقه قرينه. Donc le cheikh il dit quiconque donc s'aveugle vis-à-vis du message d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son rappel, on lui attribue un shaitan qui devient son compagnon, qui ne se sépare jamais de lui, et ça c'est un châtiment pour lui. Donc quiconque s'est détourné d'Allah et du messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna, eh bien, il devient l'allié du shaitan. Et donc, on lui attribue un diable, un shaitan, comme punition qui ne le lâche jamais, qui continue à le suivre et qui le prend comme son compagnon inséparable. La yufariquhu qarinuhu. Son compagnon, son diable devient inséparable avec lui. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ الشَّيَاطِينَ يَصُدُّونَ هَؤُلَاءِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ الْعُقُوبَةِ أَنَّ الْإِنسَانَ إِذَا أَخْطَأَ صَارَ يَشُكُّ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَاجِعَ نَفْسَهُ وَيَتُوبَ وَهَذَا أَخَفُّ مِنَ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقٍّ لِأَنَّ الَّذِي يَرَى أَنَّهُ عَلَى حَقٍّ لَا يَرْجِعُ. Donc il dit, ils sont donc détournés du chemin par les shayatines qui leur bloquent le chemin, qui les empêchent de suivre le droit chemin, alors qu'ils s'imaginent être sur le droit chemin, ils s'imaginent être bien guidés, et ça c'est le châtiment complet, hein? Pourquoi? Parce que lorsqu'un être humain fait une erreur, il commence à douter qu'il a fait une erreur, donc c'est possible qu'il revienne. C'est possible qu'il se repente, hein? Et ça c'est moins grave pour lui, hein? Il voit qu'il est sur l'erreur, il lui revient à la vérité, hein? Mais celui qui s'imagine qu'il est bien guidé malgré qu'il est dans l'égarement, comment il va revenir? Il ne va pas se repentir. Innahum la yasuddunahum 'an as-sabil, c'est-à-dire les diables, ils leur bloquent le chemin, ils les détournent du chemin. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Et ils pensent qu'ils sont malgré tout bien guidés. Min ajli an yastahkim ad-dalal 'alayhim, nas'alullah al-'afiyah. Hatta idha ja'ana qala ya layta bayni wa baynaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. Wa hadha fi ad-dunya. Fa idha ja'a yawm al-qiyamah yaqulu hadha al-insan ash-shaytan alladhi adallahu fi ad-dunya ya layta bayni wa baynaka bu'd al-mashriqayn fa bi'sa al-qarin. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمِ يعني يوم القيامة إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. بل العادة في الناس أنه إذا وقع الضرر على الجميع يخف يخف، ولا ولكن في الآخرة لا، كل يرى أن العذاب كله عليه دون غيره. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما يخفف عنكم هذا يوم القيامة. Donc le cheikh il dit, jusqu'à ce que il vienne vers nous, il dit à son compagnon, malheur à toi, si seulement il y avait la distance de l'est et de l'ouest entre toi et moi, comme tu es un mauvais compagnon. Donc ça c'est au jour de la résurrection, ça c'est dans la dunya et dans l'au-delà, au jour de la résurrection, l'être humain, il dit au shaitan qui est devenu son compagnon et qui l'a égaré dans la dunya, malheur à toi, si seulement je pouvais avoir entre toi et moi la distance entre l'est et l'ouest, comme tu es un mauvais compagnon. Et il dit, et ce jour-là, ce ne sera d'aucune utilité pour vous au jour de la résurrection, puisque du fait que vous avez été injuste, que vous soyez réunis dans le châtiment. Et le cheikh, il explique, il dit, en général, quand on est tous ensemble dans, en train de souffrir, ça allège un petit peu la douleur et le châtiment. Parce que tu vois que tout le monde est autour de toi en train d'être châtié en même temps. Sauf au jour de la résurrection et dans l'enfer, ce ne sera pas le cas. Parce que chacun considérera que c'est lui qui a tout le châtiment. Donc le fait de voir les autres, de savoir que les autres sont châtiés avec lui, ça ne va pas faire diminuer en quoi que ce soit son propre châtiment. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Donc ça c'est l'explication de ce que le cheikh a lu ici. On continuera peut-être la suite de ça au prochain cours, Inch'Allah. وَعَلَيْكُمْ سَلَامُ وَحَمَتُ اللَّهِ. Je vais faire le programme pour les cours pour le ramadan. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, Inch'Allah, aussitôt que j'aurai du temps. Donc, pendant le ramadan, l'horaire des cours va être différent. Ce ne sera pas comme maintenant. Donc, en général, on fait que le cours après pendant la journée. Soit après le dhuhr, en général, c'est après le dhuhr ou avant l'asr. Et le week-end, il y aura des cours également, peut-être, après le dhuhr et après l'asr, le samedi et dimanche. Mais ce sera des cours, il y aura les cours de tafsir la semaine. Tafsir surat Al-Imran. Et le week-end, il y aura tafsir aussi. Puis il y aura probablement un autre sujet. Je vais vous dire, Inch'Allah, de toute façon, lorsque on va commencer, Inch'Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.